Bonjour chers amis et bienvenue à FrenchPod. Je m'appelle Amaury. Et je m'appelle Marion, bonjour. Salut Marion, tu vas bien ? Très bien, merci. Aujourd'hui au programme, nous avons une nouvelle leçon avancée. Qui va nous amener dans le Périgord, plus précisément à la découverte des grottes de Lascaux. Qui est vraiment un des sites préhistoriques les plus importants en France, de par la qualité des peintures qui se trouvent sur les rochers. Oui, leur état de conservation également. Oui, tout à fait. Donc on va revenir, on va s'attarder un peu plus longuement sur cette grotte de Lascaux en fin de podcast, mais avant nous avons un dialogue qui nous parle plus de sa découverte. Une découverte qui est très fortuite, comme on le verra dans le dialogue. Oui. Et qui a été amenée par un chien et un groupe de jeunes qui étaient avec ce chien. Ok, il est temps de découvrir comment cela s'est passé. On écoute le dialogue. Je me suis assoupi. Où est passé Robo ? Je ne sais pas. Il a disparu. Toi, tu avais encore la tête en l'air. Je t'avais pourtant demandé de garder un œil dessus. Désolée. C'est vrai que j'étais dans la lune. On va le retrouver. Viens. Partons à sa recherche. Robo ! Robo ! Robo ! Tu as entendu ? Oui, cela vient de ce trou, là. C'est bizarre. Je connais bien ce coin. Il n'y avait pas de trou ici, avant. Non, il y avait un arbre. Un pin, si je me souviens bien. Regarde, il a été foudroyé et déraciné lors de la dernière tempête. Il a laissé place à ce trou béant. Qu'importe ! Robo est là-dedans. Il faut aller le chercher. Viens, faufilons-nous à l'intérieur. Mais il doit faire noir comme dans un four, là-dedans. J'ai des allumettes. Allez, ne fais pas ta poule mouillée. On va se glisser un par un. Écoute, les aboiements se font de plus en plus clairs. Le voilà, Robo ! Il ne peut pas bouger. Il a dû se blesser à la patte. Allume les brindilles et les morceaux de bois que nous avons ramenés. J'ai besoin de plus de lumière pour lui faire un bandage. Marcel ! Regarde ! C'est magnifique ! Quoi ? Regarde ! Ces peintures rupestres ! C'est sensationnel, Marcel ! Je crois qu'on vient de faire une découverte historique. Ok, donc on tient quand même à préciser que ce dialogue est véridique, plus ou moins, donc ça s'est vraiment déroulé comme ça, parce qu'on a quand même une leçon précédemment sur Napoléon qui n'était pas vraiment, qui n'était pas vraiment historique et qui ne respectait pas les faits. Ici, ce n'est pas le cas, c'est vraiment de cette façon qu'a été découverte la grotte de Lascaux en France. On avait ces adolescents qui étaient partis faire une balade avec leur chien et ils l'avaient perdu. Donc l'exemple qui est donné ici dans le dialogue, c'est que pourquoi ils l'avaient perdu, c'est parce que un d'eux, c'était... Assoupi. Oui, donc s'assoupir... Ça veut dire s'endormir. Oui, pas dormir profondément. Faire une petite sieste. Voilà, tout à fait, quand on somnole. Donc voilà, c'est ce qui arrive souvent quand on est au travail. Après la pause déjeuner. Voilà, quand on a mangé le midi, après on s'assoupit un peu, on ferme les yeux, on a du mal à garder le rythme du matin. L'autre raison pour laquelle ils ont perdu le chien est que son ami ici avait la tête en l'air. Ce qui veut dire qu'elle pensait à rien en particulier, qu'elle n'était pas attentive. Donc c'est l'équivalent de l'expression qu'on trouve après dans la deuxième réplique. C'est vrai que j'étais dans la lune. Ça veut dire la même chose. Voilà, quand on est dans la lune, c'est avoir la tête en l'air. On ne fait pas vraiment attention à ce qui se passe autour de soi. Voilà, on est un peu dans sa bulle, dans son monde. Voilà, exactement. On pense à d'autres choses. Donc on a ces deux expressions, avoir la tête en l'air ou être dans la lune. Donc évidemment, maintenant Robo a disparu et ils se mettent à sa recherche. C'est comme ça qu'il découvre le trou. Qui n'était pas là avant ? Voilà, qui n'était pas là avant. Avant, il y avait quoi à la place ? Il y avait un pin. Donc le pin, donc, c'est un type d'arbre qu'on retrouve près de la plage en France, notamment dans le sud-ouest. Et donc ce pin, durant la dernière tempête, a été foudroyé et déraciné. Donc foudroyé, c'est quand il y a du tonnerre et que la foudre tombe sur les arbres. Ouais, ça vient du mot la foudre. Donc la foudre, c'est vraiment l'éclair. C'est le feu, c'est l'électricité de l'éclair. La foudre, c'est ce qui frappe, ce qui tombe sur terre. Voilà, être frappé par la foudre. Ou être foudroyé. Et déraciné. On voit le mot racine dans le verbe. Avec le préfixe dé. Oui. Qui veut dire que les racines ont été enlevées. Voilà. Et déracinées. Et donc, comme ce pain a été déraciné, ils disent il a laissé place à un trou béant. Alors, pour expliquer laisser place, c'est lorsqu'une chose ou une personne occupe une position ou un emplacement et que pour une raison ou pour une autre, elle décide ou elle est forcée de partir, de quitter cet endroit, on dit que la chose ou la personne laisse place à. Donc ici, il a été déraciné et il a laissé place à un trou. un trou qui est béant. Donc béant, c'est pas un trou minuscule, c'est quand même un trou d'une certaine grandeur, une certaine importance. Généralement, c'est un peu lié également à une idée d'obscurité. C'est que le trou est assez sombre, on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Et donc c'est dans ce trou béant que Robot est tombé. Donc ils sont courageux, surtout Marcel. Oui, parce que l'autre est une poule mouillée. Il l'accuse d'être une poule mouillée. Ouais. De ne pas faire sa poule mouillée. Ça veut dire quoi en fait, faire sa poule mouillée? Faire sa poule mouillée, c'est avoir peur de faire quelque chose, être un poltron. Mais bon, poule mouillée, ça, c'est aussi bien pour les garçons que pour les filles. C'est vrai. Poltron, c'est que pour les garçons. Donc ne sois pas peureux, ou ici, ne fais pas ta peureuse, ne sois pas peureux. Trouillard. Ouais. Donc il incite son ami à se faufiler à l'intérieur de ce trou. Donc se glisser dans ce fameux trou, et ce même s'il y fait noir comme dans un four. Moi je pense que l'expression parle d'elle-même. C'est-à-dire qu'il fait noir, il fait aussi sombre que dans un four. Donc il se rapproche du but puisque les aboiements se font de plus en plus clairs, et il découvre... que Robot est bien là, blessé, à la patte. Pauvre Robot. Donc pour le soigner, ils veulent faire de la lumière, et donc il dit « amène les brindilles et les morceaux de bois pour faire un feu ». Donc une brindille, c'est quoi? C'est un petit morceau de bois, des petits morceaux d'herbe sèche qu'on trouve dans les bois. Ouais. Et qu'on utilise généralement pour démarrer un feu. Tout à fait. Et donc ce feu qui démarre, et qui est normalement destiné à éclairer Marcel durant son opération de secours, leur fait découvrir autre chose, quelque chose de magnifique, de sensationnel. Ils découvrent... des peintures rupestres. Les peintures rupestres de la grotte de Lascaux. Alors on a l'adjectif rupestre ici, qui veut dire « qui se trouve sur la roche ». Donc ici, des peintures rupestres, c'est pas difficile, ce sont des peintures qui ont été peintes directement sur la roche. Et la roche, c'est ce qui constitue les murs de la grotte. Exactement. Et donc comme ces gravures sont magnifiques, c'est vrai, elles sont magnifiques... Tu es allé les voir, Amaury ? Non, je suis pas allé les voir. Mais on va en reparler juste après, parce que je sais que toi tu y es allé, et tu vas pouvoir nous en parler plus. Mais d'abord, on réécoute ce dialogue avec le sauvetage de Robot qui amène à la découverte des grottes de Lascaux. Je me suis assoupi. Où est passé Robot? Je ne sais pas. Il a disparu. Toi, tu avais encore la tête en l'air. Je t'avais pourtant demandé de garder un œil dessus. Désolé. C'est vrai que j'étais dans la lune. On va le retrouver. Viens. Partons à sa recherche. Robot! Robot! Robot! Tu as entendu? Oui. Cela vient de ce trou, là. C'est bizarre. Je connais bien ce coin. Il n'y avait pas de trou ici, avant. Non, il y avait un arbre, un pin si je me souviens bien. Regarde, il a été foudroyé et déraciné lors de la dernière tempête. Il a laissé place à ce trou béant. Qu'importe, Robot est là-dedans. Il faut aller le chercher. Viens, faufilons-nous à l'intérieur. Mais il doit faire noir comme dans un four là-dedans. J'ai des allumettes. Allez, ne fais pas ta poule mouillée. On va se glisser un par un. Écoute, les aboiements se font de plus en plus clairs. Le voilà, Robot! Il ne peut pas bouger. Il a dû se blesser à la patte. Allume les brindilles et les morceaux de bois que nous avons ramenés. J'ai besoin de plus de lumière pour lui faire un bandage. Marcel, regarde! C'est magnifique! Quoi? Regarde! Ces peintures rupestres! C'est sensationnel, Marcel! Je crois qu'on vient de faire une découverte historique. Donc voilà, c'est quand même marrant de voir comment ces grottes ont été découvertes. Et surtout, je crois que ces adolescents ont eu la chance de les voir au moment où elles étaient intactes, où elles n'avaient pas été vues par des gens depuis des milliers d'années. Je crois qu'elles remontent à moins 18 000, moins 15 000 avant Jésus-Christ. Ah oui, quand même. Ouais, et donc cet événement a eu lieu en 1940. Et évidemment, les peintures et les gravures qui ont été trouvées étaient de telle qualité qu'elle est devenue un lieu de recherche, mais également un lieu de tourisme important en France et en Europe. Oui, ils ont mis en place d'ailleurs d'autres activités autour des grottes de Lascaux avec des reproductions de scènes préhistoriques, des musées avec des objets de la préhistoire. Donc ils ont vraiment développé la région grâce à la découverte de ces grottes. Ouais. Et donc toi, tu as eu la chance d'aller les voir? Oui. Mais tu étais un peu jeune, non? Oui, j'y allais deux fois. La première année, j'avais pu voir l'original. Pourquoi l'original? Parce que maintenant, elle a été fermée au public. Ah bon? Pourquoi? À cause des dégradations liées à l'émission de gaz de carbone et les photos, les flashs photographiques, l'air tout simplement endommager la grotte et les peintures. Donc les personnes qui visitaient la grotte endommagées. Oui, forcément avec tous les touristes que ça a amené. Si on voulait conserver le site en état, il fallait le fermer au public. Donc ils ont recréé la grotte de Lascaux. D'accord. Exactement la même. Ouais. Et ils l'ont ouverte au public. D'accord, donc maintenant il y a encore moyen de visiter les grottes, mais ce n'est plus la grotte originale qu'on voit. Voilà, c'est ça. Ce sont des répliques avec exactement les mêmes dessins. Donc ils ont constaté, comme tu as dit, une dégradation de ces peintures rupestres, et donc il a fallu faire quelque chose. Et donc toi, tu as visité la nouvelle salle qu'ils avaient ouverte. Oui, j'ai vu la reproduction. Donc ces grottes se situent dans le sud-ouest de la France. Oui. Ça vaut vraiment le coup, c'est très joli, rien que la région est très jolie. Oui. Et encore une fois, ces grottes ont vraiment un intérêt spécifique, elles sont reconnues dans le monde entier. Et j'ai même lu qu'ils disent que c'est la chapelle Sixtine des grottes, tant les reproductions qui ont été découvertes étaient en très bon état de conservation et avaient un côté historique et artistique très riche, puisque les scientifiques et les historiens ont vraiment pu découvrir beaucoup de choses sur le mode de vie des hommes préhistoriques. Donc voilà, si vous allez faire du tourisme en Dordogne, n'hésitez pas à passer par les grottes de Lascaux. Voilà, en tout cas, si vous avez aussi la moindre question, la moindre commentaire, n'hésitez pas à nous les poser, venez sur la page de discussion, on vous attend, on est là pour vous, on est là pour y répondre. Sur ce, merci beaucoup à tous, merci Marion. Merci à Maury. On se retrouve bientôt. Au revoir. Salut.